Elles se marièrent et eurent beaucoup d'emmerdes. De Hélène Le Gall. Quatrième épisode, Liberté au Léron. Tiens, Cendrillon, un petit blanc, ça va te remonter. Merci, marraine. C'est joli ici. Ouais, on est bien là. D'habitude, c'est plus vivant, mais les autres marraines sont parties pour la semaine à Djerba. Quoi faire? Ouf, une rencontre avec une communauté de djinns. Moi, j'y vais pas, ça m'emmerde. L'an dernier, on était en Écosse avec des elfes, des vrais connards. Non, tu vas voir, tu vas être bien ici. Tu restes aussi longtemps que tu veux. Merci. Mais je vais pas rester longtemps. Les enfants me manquent. Je sais pas. En fait, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. Te mille pas. Ah, marraine Podane. Ah bah, t'es déjà rentrée? Je suis épuisée. Oh, j'ai mon pouvoir de transportation qui fonctionne plus. Je suis rentrée en stop. Bonjour Cendrillon. Bonjour. T'es rentrée en stop de Djerba? Oh non, j'y suis pas allée en fait. Juste avant le départ, on a eu un contentieux avec ma reine Belle au bois dormant. Tu la connais. C'est moi qui fais l'itinéraire, ma baguette est plus grosse que la tienne, etc. etc. Ça m'a exaspérée. Du coup, je suis partie faire un jeûne rando dans l'Aubrac. Mais c'était une mauvaise idée. Pourquoi? Le jeûne! Ça m'a bousillé le bol alimentaire. Alors, Cendrillon, ça va? Oh, t'en as une petite tête. Ça va, ma reine Podane. Ça peut aller. Je suis au courant pour toi, Albert. À ce propos, t'aurais pu tenir ta filleule. Oh, bon, qu'est-ce que tu veux? Mon rôle, c'était de tenir Podane éloignée de son père. Je peux pas l'empêcher en plus de fricoter avec les princes de ses copines. Sympa. Mais excuse-moi, je voulais pas te blesser. Mais il faut lui pardonner à Podane, c'est pas si grave. Tu plaisantes? C'est ce qui pouvait m'arriver de pire. Oh, qu'est-ce que t'es coincée? T'as jamais réussi à quitter cette mentalité étriquée de petite princesse de conte de fées. Allez ma puce, c'est pas si grave. Détends-toi. Bon, ça me saoule cette discussion. Ah, mais attends, te fâche pas. Non mais Cendrillon, reste. Non, je vais me promener. Oh, quel caractère ta filleule. Oui Albert, qu'est-ce que tu veux? Oh ma princesse, je suis tellement contente de te parler. T'es où? Chez ma reine à Oléron. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux que tu reviennes Cendrillon. Les enfants te réclament et moi, je peux pas vivre sans toi. Je suis malheureux. Ah oui. Et t'étais malheureux aussi quand tu faisais essayer une pantoufle de verre à Podane. Il y en a eu combien comme ça? Quoi? Enfin... Arrête de mentir. C'est elle qui me l'a dit. Ah bon, ok. Je l'ai fait une fois avec elle, mais c'était rien, je te jure. C'est toi que j'aime. Mais comment veux-tu que je te fasse confiance après ça? Podane, tu te rends compte? Ma meilleure amie. Ouais, je sais, je suis désolé. Écoute, Cendrillon, j'ai un problème. Je vais me faire soigner, je te promets. T'es malade. Je crois que je suis devenu fétichiste avec les années. Pardon? Bah oui, j'en ai parlé à un médecin, il a été clair. Je suis pantoufle de verre addict. Allô, Cendrillon? T'es toujours là? Je suis sous le choc. Mais ça a commencé quand? J'ai pas vraiment vu venir, il y a 5-6 ans peut-être. J'ai commencé à traîner dans les magasins de chaussures. Et puis ça m'a plus suffi. J'ai même travaillé 3 mois en cachette chez Ram. Je te l'ai jamais dit. Oh, Cendrillon, je suis désolé. Mais je me soigne, je te promets. Écoute, Albert, je sais pas quoi dire. À part que je crois que j'ai besoin de vivre seule maintenant. Je me suis peut-être mariée un peu trop jeune, tu vois. Et même si c'est dur, je sens que je fais le bon choix. Attends! On se reparlera plus tard, d'accord? Je t'embrasse. Vous n'êtes pas du coin, vous? Non, je viens passer quelques jours chez ma marraine. J'étais là-bas sur la piste, non, je la connais. Ouais, c'est elle qui danse les seins à l'air. La honte. Au moins, elle n'est pas coincée. C'est pour moi que vous dites ça? Ah mais non, pas du tout. Excusez-moi, je suis un peu susceptible en ce moment. Susceptible? Jolie. Qu'est-ce que t'as? T'es complètement tendue. Non, non. Ça va. Continue. Ah, excuse-moi. Oui, allô? Oui, Cendrillon, c'est Blanche-Neige. Je te dérange? Bah, disons que je suis avec quelqu'un. Ah, tu perds pas de temps, toi. Il est comment? Bien. T'es amoureuse? Mais non. Qu'est-ce que tu veux me dire, Blanche-Neige? Bon, alors, j'ai parlé de toi avec Prince UMP. Il a peut-être un travail pour toi. C'est vrai? Cool. Et alors? Eh bien, il cherche quelqu'un pour diriger l'équipe de femmes de ménage. Femmes de ménage, il n'y a pas mieux? Ben, tu serais chef, hein? Excuse-moi, t'as aucune autre qualification, chérie. Bon, ok. Je vais le voir dès que je rentre à Paris. Excuse-moi. Oh, et merde! Oh, putain. Oh, attends, je te passe ton téléphone. Ah, un SMS d'un nommé Grincheux qui dit « Je t'interdis de me tromper ». C'est ton mari? Bah non, c'est... Bon, laisse tomber. C'est trop compliqué à expliquer. Mais pourquoi tu te lèves? Écoute, je suis désolé, mais j'ai dit que les femmes mariées, j'arrêtais. Trop d'ennuis. Bah non, c'est pas mon mari. Et je suis plus avec lui, je viens de le quitter. Ouais, ouais, je connais la chanson, elle vous dit tout ça. Écoute, désolé Cendrillon, mais j'étais ravi de te rencontrer. Allez, je vais faire un café. Et merde.